Activité 46. 1. Camille, qu'est-ce que tu fais ici? Je fais mes devoirs pour le cours d'histoire. Dans la salle du cours de français? Oui, il n'y a personne. 2. Augustin, tu vas à la salle de sport? Non, je dois étudier. Je vais à la bibliothèque. D'accord. Et après, tu viens faire du sport avec moi? Non, après, je vais chez moi. Je suis fatigué. 3. Clément, où est-ce que tu vas? Je vais chez moi maintenant pour faire mes devoirs. Et toi? Moi aussi. J'ai des devoirs de mathématiques pour demain. À demain.